Rick, t'arrives tout juste de Aurelia. Je me suis pas trop trompé sur la circulation. Non. Tu t'es rendu comme il faut. Tes données étaient exactes, effectivement. Ah, ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Ça m'a aidé un peu à me diriger vers la bonne direction, là. Vous venez d'entendre Rick Mialou du Centre de recherche d'emploi de Penetang. Oui. Ce matin, on s'est levé pas trop de bonne humeur parce qu'on pensait qu'on méritait une augmentation de salaire. Puis on s'est dit, je m'en vais demander une augmentation à mon boss. Mm. Puis s'il veut pas, je m'en vais. Des fois, on peut aller chercher autre chose de l'employeur qui est plus importante que le chiffre qui va augmenter sur notre talon de paye. Exactement. Donc, on veut vous donner un prix de consolation d'une certaine T'appelles manière. T'appelles ça une consolation? Ben oui, je veux dire, ça peut nous permettre d'effectivement d'être consolé. Je veux dire prix de consolation parce que, évidemment, après s'être consolé, on peut se relever et continuer d'avancer malgré tout. Mais la priorité est toujours une augmentation de salaire, selon toi? Pas forcément. Je veux dire, une augmentation de salaire n'est pas forcément la chose qui va venir répondre à tous les besoins d'une personne. Donc oui, le salaire, il est bon, mais il y a vraiment plein d'autres choses qui pourraient être très intéressantes, évidemment, comparées à juste avoir un salaire, dans le fond. La première chose, c'est pourquoi pas un bonus, au fait. Ça, c'est une question que je pose comme ça à ceux qui nous écoutent, mais pourquoi pas un bonus? Donc, c'est une possibilité, au fait, tout simplement, d'aller chercher, négocier. Au lieu d'avoir une augmentation de salaire, ben, négocier la possibilité d'avoir un bonus de fin d'année qui peut être lié à un rendement. Beaucoup d'entreprises de fonds, comme les banques ou bien d'autres entreprises, au fait, qui sont ici, qui déterminent le rendement d'une personne, d'un employé. Donc, évidemment, négocier un bonus de rendement au travers de cela. Le 31 décembre, je vais donner les clés à mon employeur. Je vais ouvrir ma valise. Mets ça 3-4 poches, là, bien pleines d'argent, ou peut-être aussi un coffre au trésor. Ça va faire mon affaire. Ça serait le fun que ça soit de même. Ah, c'est pas comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si le bonus va être capable de remplir toutes les valises que tu vas avoir, mais d'une certaine manière. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, là, c'est que qu'on le veuille ou pas, étant donné qu'on paye les impôts, il y a une partie du bonus, dans tous les cas, qui part dans les impôts. Ouais, mais, moi, j'ai une Fiat 500, je n'ai pas une grosse valise, alors ça ne sera pas un gros bonus. Là. Non, exactement, ça devrait être correct. J'ai pas un F-150, là. Non, s'il te plaît, ça serait mieux, oui, effectivement. Faut s'essayer, faut être positif, effectivement, mais ça serait mieux d'être un peu, d'avoir des attentes un peu normales, d'une certaine manière. Mm-hmm. Donc, oui, un bonus, ça serait très bien. Donc, ça, c'est pour vous encourager à aller chercher un bonus. La deuxième chose qu'on peut aller chercher, ça serait l'aménagement, en fait, du temps de travail. OK, la conciliation un peu de travail-famille, parce qu'aujourd'hui, on aimerait ça peut-être rentrer de 8 à 10, et pour nos enfants, ils ont une activité, rentrer plus tard, finir au lieu de 4 heures à 6 heures. Exact. Je veux dire, vraiment un horaire, effectivement, qui peut nous permettre de balancer sa vie personnelle et sa vie familiale. Dépendamment de où est-ce que vous êtes rendu, il y en a qui peuvent négocier de faire 4 jours à la place de 5 jours, ou bien qui peuvent négocier de travailler très tôt parce qu'ils aimeraient finir plus tôt pour aller faire différentes activités. Donc, tout simplement être capable au fait de répartir son horaire de travail par rapport à ce qui est mieux adapté à son style de vie. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est tous les employeurs qui peuvent faire ça ou c'est encore très restreint? C'est quand même restreint, il faut l'avouer. C'est pas forcément tous les employeurs qui peuvent le faire. Surtout ceux qui sont obligés, d'une certaine manière, dépendamment de ce qu'ils donnent comme service, mais ceux qui sont obligés d'être ouverts durant certaines heures. Évidemment, l'employeur ne peut pas forcément adapter son horaire à l'employé. C'est certain que si la machine dans l'usine roule pendant 8 heures de temps, ils ne l'arrêteront pas 2 heures pour non, toi parce que ça va être une perte d'argent pour partir. Ça, oui, tout à fait, exactement. Ça va être une très grosse perte. Mais quelqu'un qui travaille dans un bureau quelconque, mettons, Service Canada, quelque chose comme ça, par exemple, c'est des choses qui pourrait être possible à ce moment-là. Exactement. C'est vraiment, il y a certains domaines spécifiques, comme tu le mentionnes, qui peuvent permettre au fait tout simplement d'adapter, d'avoir un emploi adapté, un horaire adapté, que ce soit du travail téléphone, réception, quoi que ce soit. Donc, ça peut être des choses, effectivement, lorsqu'on peut adapter son horaire. je regardais là, oui. Le télétravail, ça peut-tu faire partie de ça un petit peu? Ça pourrait être ça. Le télétravail, effectivement, c'est être capable tout simplement, au lieu d'avoir des heures qu'on perd sur le transport ou quoi que ce soit, donc, d'être capable au fait de travailler, que ce soit au téléphone par exemple, donc donner du service. Oui, ça pourrait être quelque chose. Ça pourrait être, on pourrait l'amener là-dedans, là, l'aménagement du travail du temps. Là. On pourrait le concilier. Oui, exactement. C'est des avantages, effectivement. Quand il y a des employeurs qui peuvent le faire, je regardais beaucoup d'entreprises, admettons, ils offrent des possibilités, donc que ce soit au téléphone ou bien même par texto maintenant. Tant que ça. Oui, exactement, des services aux jeunes. Ça, je savais pas. Oui, des services aux jeunes par texto. Donc, parce que les jeunes sont des texteux, si je peux me permettre le terme. Oui, je ne sais pas s'ils l'ont mis dans le petit Robert, si tu as le droit de le dire. C'est pas dans le dictionnaire, tu n'as pas le droit. Là. Je l'ai emprunté de ma directrice. On va recevoir des appels. C'est ça. Donc, je l'ai emprunté, mais c'est un terme que j'ai bien gardé, au fait. Parce que, ben, évidemment, parce que. Ils textent beaucoup, donc c'est pas forcément des gens qui vont appeler, donc ben, avoir de l'aide, un service qu'on peut répondre par texter, c'est très bien. Ou clavardage, tout simplement, parce que quand on va sur les sites comme Bell, par exemple, automatiquement, il y a une fenêtre qui s'ouvre qui dit « Voulez-vous clavarder avec quelqu'un ?» avec... Donc, au lieu d'attendre 20 minutes qu'ils te répondent, c'est pratiquement instantané. C'est pratiquement instantané. Donc la question est, est-ce que c'est une personne qui est derrière ou bien c'est une intelligence artificielle? Là, c'est un autre sujet de conversation. Là, on pourrait en parler longtemps. Il y en a un que j'aime beaucoup, moi. Oui. Mm-hmm. Plus de congés. On en veut des congés. Ah oui, hein. On en veut des congés, surtout que nous sommes dans la période de fête présentement. Mm. On est tous en mode congé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Sais-tu qu'est-ce que j'ai envie de dire? Amenez-en des congés, c'est pas de longueur. Non. Exactement. Je veux dire, au fait, qui ne rêve pas, au fait, d'avoir des vacances? Qui ne rêve pas de Moi, je serais en vacances à temps plein. Ben, voilà. Sauf que c'est pas payant. C'est ça. T'sais, on aimerait être en vacances et en même temps qu'on est en vacances, être payé, tout simplement. Donc, on appelle ça le chômage. On parle pas de chômage, forcément. Là, ben, évidemment, ben, c'est ça. On aimerait effectivement être en vacances. On aimerait être en congé. On aimerait être relax en même temps, mais on est payé. Donc, sans perdre certains avantages ou quoi que ce soit. Là. Donc, plus de congés, ça serait un avantage. Donc, négocier cela, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Évidemment, on peut pas avoir une augmentation de salaire, ben, voici une autre chose qui peut être très, très, très intéressant pour profiter tout simplement de la vie. Avoir plus de congés, aller plus dans le sud, surtout avec la neige. Mettre qu'on a des belles petites photos là, sur Instagram de plage, voilà, hein, de baignade, de dauphin. Exactement, utilisez vos médias sociaux, montrez-nous à quel point vous profitez des congés qui vous sont donnés. Donc, avec ce qu'on va faire, toi puis moi, après, on va se prendre un petit congé puis on va aller chiller dans les Barbades tous les deux. Hein. Ça serait le fun si tu payes le voyage, oui. Ouais, attends un petit peu, là. Je pense que je vais acheter quelques billets de loto avant. Ça serait bien, oui. Gagne ça pour nous deux, là, évidemment. Le financement d'une formation, oui. On pourrait demander ça aussi à notre employeur. Exactement, parce que la majorité des emplois, au fait, qu'on le veuille ou pas, on a toujours besoin de se développer. Donc, pour se développer, malgré les diplômes qu'on a, il y a toujours des formations comme premier soin ou des formations santé mentale ou des formations de service à la clientèle, mais plus avancées et tout. Donc, c'est vraiment, il y a des formations, effectivement, qui peuvent être très intéressant pour les professionnels qui sont présentement sur le marché du travail. Donc, demander d'être financé pour une formation qui va tout simplement nous permettre de mieux faire notre emploi, évidemment, c'est un avantage qui peut être négocié. J'ai l'impression, moi, partout c'est que j'ai passé dans les usines où j'ai travaillé, souvent, l'employeur l'offrait à ses employés. Est-ce que c'est pratiquement toujours comme ça, où il y en a plus qui disent « Va le payer si tu veux le suivre, puis arrange-toi avec tes troubles. » Moi, je dirais que ça dépend des employeurs, évidemment. Ça dépend de quel domaine là, on se connaît. Si on parle, admettons, du centre d'emploi présentement, nous avons des employeurs qui, des fois, bénéficient de certains fonds qui leur permettent de donner de la formation à leurs employés. Donc, que ce soit des vétérinaires, que ce soit... peu importe, au fait, que ce soit salon de coiffure ou quoi que ce soit, ce sont des endroits, au fait, ce sont des entreprises qui peuvent aller chercher certaines formations. Donc là, j'en nomme juste deux, là, mais il y a tellement une grosse gamme d'employeurs. Tu me le diras si je fais une erreur. Okay. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être plus les endroits où c'est syndiqué que l'employeur va payer ces formations-là que les endroits non syndiqués. Est-ce que j'ai raison ou pas? Oui et non. Oui et non, évidemment, okay. Parce qu'à cause du syndicat, le syndicat peut aller négocier cela pour les employés, mais évidemment, les employés, ils ont une parole quand même qui compte. Et nous avons des employeurs effectivement qui savent que le bien-être des employés est très important. Donc évidemment, il faut encourager ces employés-là. Donc entre autres, des formations qui peuvent leur permettre tout simplement. Regarde, le but à la fin là, c'est quoi? C'est pour être meilleur dans son emploi. Donc quel employeur ne voudrait pas que ses employés soient meilleurs dans leur fonction? Ben c'est sûr qu'on aime ça, avoir des qualifications supérieures, augmenter, puis avoir des possibilités peut-être d'avancement aussi. Là. Exactement. Donc à ce niveau-là, effectivement, c'est un investissement qui va nous bénéficier. Ça va bénéficier l'employé, oui, certes, mais ça va aussi bénéficier l'employeur à la longue. On a la qualité de vie au travail. Oui. Disons que quand tu rentres le lundi matin, puis tout le monde a la baboune, puis on a envie de se tirer dessus, disons que 40 heures, c'est longtemps. Ça devient très longtemps, effectivement. Je suis content de ne pas avoir ce genre d'atmosphère de travail, mais ça serait plate, effectivement, de rentrer un lundi matin. Et puis, au fait, tout simplement, quand on se réveille le matin, dire que ça ne me tombe pas d'aller travailler, là, ça serait très plate. Donc, c'est à cause de ça que... Il y a des gens qui vivent ça tous les jours. Oui, et c'est dommage. C'est à cause de ça que nous sommes là comme service d'emploi pour nous assurer d'explorer peut-être d'autres options, d'autres possibilités, si c'est votre cas présentement. Si vous êtes là présentement et que la qualité de vie que vous avez au travail ne convient pas du tout, venez nous voir au centre d'emploi. Nous allons être capables de vous aider à trouver d'autres options. Là. Mais parce qu'à ce moment-là, on est aussi bien de penser à changer de carrière. Exactement. Je veux dire, si on n'a plus envie d'aller travailler, évidemment, on va moins fournir, on va donner moins d'énergie au travail, on va être distrait, tout ce qui va avec. La liste est longue, donc évidemment, c'est moins le fun, là, donc autant pour nous-mêmes que pour l'employeur. Donc, négocier une qualité de vie au travail. Tant qu'à passer des heures considérables au travail, ben, c'est mieux d'être à l'aise au travail. C'est mieux d'avoir du fun au travail. Dans une année, on dit qu'on passe environ 2000 heures. Alors, 2000 heures, c'est beaucoup. Exactement. Je pousse même ça. J'avais lu ça dans un livre. Effectivement, il y avait quelqu'un qui disait que sur 100 ans de vie, il y en a qui vont passer, admettons, 40 ans au travail, 30 ans à l'école, et puis il ne nous en reste pas beaucoup. Là, tu sais. Ben, quand tu regardes ça, on passe plus de temps avec nos collègues de travail que nos enfants et notre blonde. Exactement. Donc, tant qu'à faire, là, c'est mieux qu'on ait du fun dans ces heures de travail. Là. On connaît presque plus notre voisin d'à côté avec qui on travaille que notre propre mère ou notre propre enfant. C'est souvent le cas, effectivement. Là. Vraiment, on passe plus de temps au travail. Donc, on veut s'assurer que, évidemment, si on peut négocier une qualité de vie au travail, une bonne qualité de vie au travail, ça serait très idéal. Dernier point, rapidement, Rick, les possibilités d'avancement. Parce qu'il y en a qui sont confortables, ils vont travailler 40 ans au même poste de travail, puis il y en a qui veulent être un jour PDG de la compagnie. Ah oui, entre autres. Mais c'est ça. Donc, on peut regarder autant possibilités d'avancement dans passer de commis à gérant ou tout simplement toucher à d'autres postes, toucher à d'autres choses. Un avancement n'est pas forcément juste par la position, mais l'avancement peut être aussi parce qu'on a d'autres rôles, tout simplement, dans la compagnie. Donc, beaucoup d'employés, ont cette envie de vouloir toucher d'autres choses. Donc, un employeur peut profiter d'avoir quelqu'un qui va pouvoir garder longtemps, mais qui a tout simplement l'opportunité de toucher à d'autres choses. Ça peut motiver aussi les gens à rester, au lieu de changer de travail, aller travailler pour une autre entreprise. Exactement. C'est bon pour l'employé et l'employeur à ce moment-là. C'est ça que les gens ils vont faire. Je lisais une statistique qui disait que beaucoup de gens vont quitter 80% de ce qu'ils ont pour le 20% qu'ils n'ont pas. Donc évidemment, ils veulent rester, ils ont tout ce qu'ils veulent avec vous, donc encouragez-les à rester. Rick Mialou du Centre de recherche dans le poids de Penetang, on peut vous rejoindre à laclé.ca. Exact. 549-5227 toujours. Ou au 2 rue Pointe à Penetang. Yes. Je te remercie, Rick. Merci à toi.